franceinter.com. Qu'y avait-il dans le chapitre disparu, sans doute volé, du roman de Pier Paolo Pasolini, Pétrole ? Et est-ce pour éviter la publication d'un ouvrage accusateur que l'écrivain cinéaste a été assassiné ? La semaine passée, M. X a évoqué la mort en 1962 d'une autre grande figure italienne, Enrico Mattei, l'homme qui, en édifiant un considérable empire industriel nationalisé, a permis à son pays d'acquérir son indépendance énergétique. Mais un homme qui gênait beaucoup de monde. Or, il est vraisemblable que dans ce chapitre qui a mystérieusement disparu, Pasolini donnait sa version de la mort de Mattei, assassiné dans un crash d'avion maquillé en accident. Il y aurait donc un lien entre ces deux morts brutales auxquelles il faut ajouter la disparition en Sicile d'un journaliste, Mauro Di Mauro, qui lui aussi enquêtait sur l'affaire Mattei et a été vraisemblablement liquidé par la mafia en 1970. Et Monsieur X, d'alléguer que derrière ces assassinats, on retrouve les mêmes commanditaires, les responsables d'une pieuvre qui a travaillé tout au long de ce que l'on a appelé les années de plomb, a semé la terreur et a déstabilisé la démocratie italienne en mettant sciemment en œuvre une véritable stratégie de la tension où ont alterné les actions violentes d'extrême droite et d'extrême gauche. Une pieuvre dont l'existence ne sera dévoilée qu'en 1981, la loge P2. Son grand maître, Lucio Gelli, aurait réussi à rassembler dans cette organisation pseudo-maçonnique la plupart des responsables des forces de sécurité et d'importants personnages politiques. Mais, nous a dit M. X, le véritable cerveau de la pieuvre s'appelait en réalité Eugenio Cefis. Et numéro 2 de l'Empire Mattei, il a succédé à ce dernier après sa disparition. Autant de secrets qu'avait sans doute percé Pasolini et qu'il avait donc couché sur le papier dans un chapitre de son livre posthume « Pétrole » et qui lui ont certainement coûté la vie une nuit de novembre 1975. Un meurtre qu'on a longtemps attribué à un jeune garçon qui aurait refusé les avances sexuelles du cinéaste, une thèse qui est aujourd'hui raisonnablement battue en brèche. Avanziamo a quattro zampe in un mondo, in un mondo di strilli, oh di strilli, influenza della luce in un mondo. Strilli, oh di strilli. Avanziamo a quattro zampe in un mondo, in un mondo di strilli. Strilli, influenza della luce in un mondo, in un mondo di strilli, oh di strilli, oh di strilli. Permettez-vous de faire un petit retour sur notre précédent entretien. L'enquête sur le crash de l'avion de Mattei a été relancée au cours des années 90. Pour quelle raison ? Celle-ci en particulier. En 1993, le célèbre repenti de la mafia, Tommaso Buscetta, a révélé à la justice qu'à sa connaissance, l'ingénieur, comme on le nommait, avait été victime d'un attentat qui avait toutes les apparences d'un accident. Et un attentat de la mafia ? Bien sûr. Et c'est le procureur adjoint de Pavie, Vincenzo Caglia, qui rouvre le dossier. Ce magistrat ordonne l'exhumation du corps de Mattei. L'exhumation ? Et résultat ? Pas grand-chose. Mais un nouvel examen de la carcasse de l'avion révélera des traces d'explosifs. Ah ben ça, pardonnez-moi, mais c'est en contradiction avec votre thèse de la balise sabotée. Là. Ah ben pas forcément. Les commanditaires de l'assassinat avaient peut-être voulu obtenir une destruction certaine de l'appareil et de ses passagers en déposant des explosifs à bord. Ah oui, alors une bombe qui aurait explosé au moment du crash. C'est possible. Mais l'important est ailleurs. En 2003, faute d'éléments nouveaux, le magistrat Caglia devra classer sans suite son dossier, mais dans ses conclusions, il suggérera que le commanditaire était probablement Eugenio Cefis. Alors, qui aurait été, alors selon vous, c'est ce que vous disiez la semaine dernière, là, le véritable chef de la loge P2. Alors, dites-moi un peu plus sur ce mystérieux personnage. Cet homme décédé en 2004 était extrêmement discret. Si discret même qu'on l'avait surnommé le fantôme. On sait quand même qu'il a connu Mattei dans la résistance. Il aurait été son second. Alors, comme plus tard à l'ENI. Oui, mais le passé de résistant de ses fils n'est pas vraiment limpide. Mais enfin, passons. Après la guerre, ce docteur en droit fait un bon mariage et se lance dans les affaires. Et en 1948, Mattei l'appelle auprès de lui et en fait l'un de ses lieutenants. Son principal lieutenant, en fait, si j'ai bien compris. On dit aussi que ses fils, responsables des accords internationaux, auraient été aussi chargés de surveiller Mattei. Surveiller, mais pour le compte de qui, là ? Peut-être les Américains, le cartel des Sept Sœurs. Ouais, c'est-à-dire les grandes compagnies pétrolières. Et vous m'avez dit qu'en 1962, un peu de temps avant la mort de Mattei, les deux hommes se seraient querellés. Ses fils auraient même provisoirement quitté l'ENI avant d'y revenir. Et il va succéder plus tard à Mattei. Assez rapidement, car on l'a d'abord flanqué d'un président potiche. En tout cas, à la tête de l'Empire, ses fils se livrent à une série d'acquisitions et de manœuvres douteuses qui lui vaudront plus tard d'être accusé de corruption. Puis il prend la tête d'un autre trust, privé celui-là. Montedison. Ouais, chimie, pharmacie. Entre autres, oui. Et comme son ancien patron, il achète des journaux et exerce une grande influence sur le personnel politique. Sur les démocraties chrétiennes, vous voulez dire ? Essentiellement. Et il entretient aussi des relations suivies avec les patrons des services secrets. En 1972, ses fils montrent le bout de l'oreille. Expliquez. Dans un discours devant une académie militaire, il plaide pour la création d'un pouvoir néo-capitaliste multinational qui s'appuierait sur une armée technologique et policière. Pas très rassurant, hein ? Mais logique, quand on sait que ses fils a été avant Lucciardelli, le véritable maître à penser de la loge P2. En 1987, ses fils prend sa retraite et part vivre en Suisse, à Lugano. Ouais, à l'abri, donc. Et c'est cet homme, alors, que Pasolini aurait dénoncé dans le chapitre disparu de son roman Pétrole ? C'est ça. Sous un pseudonyme, il apparaît d'ailleurs dans d'autres passages du texte de l'écrivain. Alors, venons-en à la mort de Pier Paolo Pasolini. Disons d'abord que Pasolini occupait une place à part sur la scène italienne. Cinéaste de la démesure et de la provocation, poète sulfureux et mystique, écrivain engagé et proche du Parti communiste, homosexuel, flamboyant, Pasolini s'était attiré de nombreuses haines. L'Église, les milieux conservateurs et bien-pensants le vouaient aux gémonies. Mais à gauche aussi, ses provocations, son non-conformisme dérangeait. Et je pense en particulier à ses ex-amis communistes qui le tenaient en marge. Ouais, ses excès faisaient peur. Et chacun de ses films déchaînait les passions. Au moment où il est mort, on attendait d'ailleurs avec curiosité la sortie de son dernier long métrage, Salo ou les 120 journées de Sodome, une transposition de l'univers du marquis de Sade dans la République italienne de Salo, au dernier temps du fascisme. Provocation, érotisme et dénonciation du fascisme. Un cocktail sulfureux. Mais qui allait à nouveau susciter tumulte et controverse. Et forcément. Et ce film, vous allez le voir, a peut-être joué un rôle indirect dans la fin de Pasolini. Mais bien sûr, n'allons pas trop vite. Oh, bah, si c'est vous qui le dites. Alors, voyons comment le cinéaste est mort. Et je vous livre d'abord la version officielle. Le soir du 1er novembre, Pasolini dîne dans un restaurant du bord de mer avec son acteur fétiche, Ninetto Davoli. Mmh. Un acteur dont on a dit qu'il a été aussi son amant, je crois. Exact. Mais Ninetto a fait une fin, comme on dit. Il s'est marié. D'ailleurs, ce soir-là, sa femme assiste au dîner. Aux environs de 22 heures, Pier Paolo quitte ses amis et aborde sa voiture, une superbe Alfa Romeo. Il prend la route de Rome. Il est donc sale, là. Oui, et pardonnez-moi l'expression, mais il va draguer. Draguer. Où et qui? Pasolini a ses habitudes, un point très important. Mais pourquoi ça? Parce que dans l'hypothèse d'un crime prémédité, ça veut dire qu'on pouvait facilement le trouver. Oui, alors je répète, où? Aux alentours de la gare Termini, au centre de Rome. Chaque nuit, il y a là des jeunes qui y tapinent. Des paumés, des petits durs, des ragazzi que Pasolini connaît bien et qu'il a d'ailleurs souvent mis en scène dans ses films. Donc il drague un de ces types. Oui, un certain Giuseppe Pelosi, un garçon de 17 ans que ses copains appellent Pino la grenouille. La grenouille, et pourquoi? Parce que cette petite frappe apparaît-il des yeux de batracien. C'est charmant ça. Vous dites. Donc Pasolini fait monter sa recrue dans sa voiture et il prend la direction d'Ostie. Après s'être arrêté un instant dans une trattoria où il a payé à dîner au garçon. Et Ostie, on sait pour quelle raison? Il y a là-bas, au bord de la mer, un terrain vague où quelques noctambules viennent consommer leurs amours tarifées ou interdites. Sans doute ont-ils besoin de ce cadre sordide, je ne sais pas. En tout cas, Pasolini, lui, devait trouver une sorte de piment supplémentaire à faire l'amour dans ce décor. Au fond, c'était un peu son univers, fait de violence et d'une sorte d'attirance trouble pour l'abjection, même s'il faut se méfier des clichés. Vous avez dit violence. Pasolini était-il lui-même violent? Non, je n'ai pas voulu dire ça, mais incontestablement, il aimait le risque, le danger. Et dans un endroit aussi louche que ce terrain vague d'Ostie, la violence était présente et le danger permanent. Ouais, les sensations, toujours. Oui, au reste, je peux vous dire que Pasolini était un sportif. Pas grand, mais sec, musclé. Il pratiquait d'ailleurs le karaté. Revenons à cette soirée tragique, là. Que se passe-t-il? À partir de maintenant, nous ne disposons que du récit de ce Pino la grenouille. Un récit qu'il faut donc considérer avec prudence. Et qui, je peux vous le dire tout de suite, fourmille d'invraisemblance et de contre-vérité. Monsieur X a évoqué le dernier film de Pasolini qui sortira après sa mort, Salo ou les 120 journées de Sodome. Commentaire de Nicolas Chalère dans un article du Nouvel Observateur paru en mars 2010. Salo a-t-il tué Pasolini? La mort du poète habille en tout cas son film d'une aura prophétique, brûlot, glaçant. Provocation inégalée dans l'histoire du cinéma, Salo jette à la figure de l'humanité toute son inhumanité. Dans un geste artistique inouï, empli de sagesse et de révolte, de fureur et de désespoir, c'est l'œuvre ultime d'un artiste intransigeant, homosexuel, marxiste, qui passa son existence à questionner le monde dans lequel il vivait. Avec Salo, Pasolini tend à la société le plus terrifiant miroir, celui d'une barbarie qui aura raison de lui. Avant de poursuivre, là, j'imagine qu'il y a dû y avoir une transaction financière entre le jeune prostitué et Pasolini. Naturellement. Pasolini a proposé 20 000 lire au garçon. C'était d'après ce que j'ai pu apprendre, le prix d'une passe ordinaire. Vous êtes bien informé. Alors la suite? Bon, bah, écoutez, je vous laisse seul juge. Pasolini roule donc vers Ostie et s'arrête au lieu dit Idroscalo. Un terrain vague, jonché de détritus et de carcasses rouillées. Bref, un endroit pas très accueillant. Ouais, surtout la nuit. Donc, Pelosi et Pasolini arrivent. Ils ne sortent pas de la voiture et se livrent à quelques ébats, bon, que je vous laisse deviner. Mais soudain, enfin ça c'est toujours la version de Pino la Grenouille, le cinéaste se fait plus exigeant. Et le garçon refuse. Ouais, il savait pourtant à quoi s'attendre, non ? Bien sûr. Et ce n'était pas la première fois qu'il sortait avec un homme, quoi qu'il en soit. Il se rebelle, refuse de se laisser faire. Alors, prétend-il, Pasolini devient violent. Pelosi sort de la voiture, Pier Paolo aussi. Ce dernier se saisit d'un morceau de planche qui traîne par terre. Il en frappe le garçon qui court pour échapper à son agresseur et parcourt une soixantaine de mètres. Mais Pino la Grenouille, à son tour, trouve une arme, un morceau de bois qu'il arrache à une clôture. Et il cogne sur la tête, sur le visage. Et Pasolini s'écroule. Mort ? Pino la Grenouille ne sait pas. Il voit seulement le corps à la tête ensanglantée qui gît dans la boue et les ordures. Il panique. Il court vers l'auto de Pasolini, monte dedans et il essaie de démarrer, mais il n'a pas l'expérience de la conduite. Enfin, le moteur gronde. Le jeune Pelosi passe une vitesse. La voiture bondit, échappe au contrôle du garçon et roule sur le corps de Pasolini. Ah oui, comme par hasard. Comme par hasard, oui. Ouais. Et la suite ? L'Alfa Romeo sort du terrain vague, débouche sur la grande route comme un bolide et file vers Rome. Mais la vitesse excessive de l'auto alerte une voiture de patrouille des carabiniers. Les policiers la prennent en chasse. Le ragazzo accélère encore et finit par emboutir une palissade. Fin de la cavale. Pino la Grenouille est donc arrêté là. Mais à ce moment-là, les carabiniers ne savent pas qu'il a tué Pasolini. Non, puisque le corps n'a pas été retrouvé. Ouais. Et que le garçon ne dit rien, enfin j'imagine. Bien sûr. Et pourtant, Pino Pelosi se conduit de façon étrange. Il déclare qu'il a perdu une bague en or. Alors les policiers cherchent dans l'Alfa Romeo et ne la trouvent pas. Mais pourquoi dites-vous que c'est étrange, ça ? Parce que cette bague, on va la retrouver au petit matin près du corps au visage défiguré de Pasolini. En déclarant la perte de ce bijou, Pino la Grenouille fait en sorte de se désigner par avance comme le coupable. Vous commencez à comprendre ? Non, pas beaucoup. Bon, laissez-moi vous expliquer. Pelosi doit absolument faire croire qu'il est le meurtrier. Et la présence sur les lieux du crime de cette bague qui lui appartient accrédite aussitôt sa thèse. Alors si je vous suis bien, ce garçon joue un rôle, peut-être pour couvrir quelqu'un, le ou les vrais assassins. C'est ce qu'on peut penser. Mais était-il sur les lieux ? Je le crois, oui. Mais il n'était pas seul. Alors pourquoi aurait-il accepté de se dénoncer ? On a dû lui promettre de l'argent, lui dire qu'étant mineur, il ne resterait pas longtemps en prison, ou bien encore, on a menacé de s'en prendre à sa famille, enfin que sais-je. Et puis présent sur les lieux de l'assassinat, il était complice, doublement complice même, puisque c'est lui, sans aucun doute, qui a attiré Pasolini jusqu'à Ostie. Ouais. Alors le ou les vrais assassins là. Attendez, d'abord je voudrais revenir sur le récit de Pino la Grenouille et en démonter toutes les faiblesses, toutes les invraisemblances. Je passe sur la bague, hein, mais nous venons d'en parler. Il y a ensuite la bagarre elle-même. Pasolini, je vous l'ai dit, était un costaud qui s'entraînait et pratiquait régulièrement des activités sportives. Et Pino Pelosi ? Ben justement, c'était à l'époque un petit jeune homme frêle. Ouais, qui ne faisait donc pas le poids en face de Pasolini. Bien sûr. Mais il avait quand même ce morceau de bois à la main. Bon, admettons qu'il ait réussi à en frapper une fois le cinéaste, mais pas plus. Pasolini aurait su se défendre. Et puis, n'oubliez pas que d'après le garçon, Pasolini, lui aussi, aurait été armé d'un bâton ou d'une planche. Donc le combat aurait été égal. Non, ça n'est pas crédible. Surtout quand on tient compte de l'état du corps de Pasolini lorsqu'on l'a retrouvé. Un vrai massacre. Enfin, je vous passe les détails, mais c'était atroce. D'autres invraisemblances ? Oui. L'épisode de la voiture. Cet auto qui bondit, qui échappe à son conducteur. Bon, c'est du mauvais feuilleton. Mais vous ne croyez pas que l'Alfa Romeo soit passé accidentellement sur le corps de Pasolini? Absolument pas. La bagarre mortelle se passe, selon Pino la Grenouille, à une soixantaine de mètres de l'auto. Donc assez loin. Difficile dans ces conditions de penser que l'auto va justement rouler sur le corps en quittant le terrain vague. Autre bizarrerie? Oui, mais je l'ai déjà souligné. Le prétexte, cette faveur sexuelle que le jeune Pelosi aurait refusée à Pasolini. C'est absurde. Le garçon tapinait depuis longtemps. Il n'ignorait rien des pratiques homosexuelles. Et si je puis dire, il était suffisamment aguerri. Et puis, autre étrangeté. D'après Pino la Grenouille, il y a eu bagarre. Pasolini l'a frappé. Or, quand il a été arrêté, le garçon ne portait aucune trace de coup. Non, je vous assure, ce récit, ça sent le fabriquer. Et c'est pourtant la version qui a été retenue par la justice, hein? Oui, Pino Pelosi a été condamné pour le meurtre de Pier Paolo Pasolini, mais je vous ferai remarquer que les juges ont eu eux aussi des soupçons, à tel point que le meurtre a fini par être qualifié par les magistrats d'homicide avec le concours d'inconnus. Oui, mais ces inconnus le sont restés, hein, inconnus. Très longtemps, oui. Mais j'y reviens dans un instant, car on dispose maintenant d'éléments nouveaux. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'à l'époque, on ne s'est guère appliqué à chercher ces inconnus. Car dès le début de l'enquête, les policiers auraient dû être plus perspicaces. Il existait en effet, en dehors des invraisemblances du récit de Pino la Grenouille, des indices troublants. Quoi, par exemple? On a retrouvé des empreintes digitales ensanglantées sur la carrosserie de la voiture de Pasolini. Des empreintes qui n'étaient ni celles du cinéaste, ni celles du garçon. Cela méritait qu'on s'interroge, non? Parce que ça signifiait deux choses. D'abord, Pasolini et Pino la Grenouille n'étaient pas seuls. Et ensuite, la bagarre a sans doute eu lieu près de l'auto et non pas à une soixantaine de mètres de celle-ci. Et dans ce cas-là, c'est délibérément que le corps a été écrasé par la voiture. Exactement. Et puis il y a aussi ces objets qu'on a retrouvés dans la voiture, un t-shirt et un briquet qui n'appartenaient pas à Pasolini, pas plus qu'à Pino la Grenouille. Même une semelle orthopédique dont on n'a jamais pu identifier le propriétaire. Et encore ce détail très troublant. La paire de lunettes de Pasolini se trouvait à l'intérieur de l'Alfa Romeo. Or, le cinéaste était myope comme une taupe. S'il était sorti volontairement de la voiture pour suivre Pino, il aurait pris ses lunettes car il ne voyait pas à 2 mètres. Ouais, surtout la nuit. Par conséquent, ça veut dire qu'il a été traîné hors de son véhicule. Donc, à votre avis, il y a eu de nombreuses négligences dans l'enquête de police. Des négligences graves, c'est évident. Et quelles conclusions en tirez-vous, alors? Manifestement, on n'a pas voulu savoir la vérité. Et c'est pour cette raison que l'enquête a été tellement entachée d'erreurs. La mort de Pasolini au cours d'un rendez-vous homosexuel qui aurait mal tourné, ça arrangeait beaucoup de monde. Ouais, on était enfin débarrassé de ce provocateur. Mais pas seulement un provocateur. Dans les mois qui ont précédé sa mort, Pasolini s'est manifesté à plusieurs reprises dans la presse. Et il a violemment accusé la démocratie chrétienne au pouvoir depuis la fin de la guerre. Et plus précisément? Pour lui, ce parti omniprésent magouillait avec les compagnies pétrolières, les banquiers, la mafia et la CIA. Elle manipulait l'argent public et utilisait à son profit, et de façon parfaitement illicite, les services secrets. Eh bien ça ressemble bien à tout ce qu'on découvrira plus tard avec la révélation des activités de la loge P2. Hein. Donc il est certain que Pasolini devenait de plus en plus gênant pour une partie de la classe politique. Mais aussi pour l'opinion. Car tout au long de sa vie, le cinéaste et écrivain était en butte à des attaques injustes. On l'a même accusé à tort de méfaits complètement imaginaires. En fait, on a essayé de le noircir. Oui, il faut bien avouer que dans ce pays encore très bien pensant, le sentiment hostile qu'il inspirait était assez largement partagé. Au fond, c'est du moins ce qu'ont pensé les braves gens. Pasolini a payé pour ses péchés. Et symbole supplémentaire important pour les catholiques, il était décédé le jour des morts. Ouais, la Toussaint, ouais. Quant aux autres, et parmi eux figuraient des admirateurs de Pasolini, ils y voyaient une mort digne d'un poète maudit. Donc sur le moment, au fond, personne ou presque n'a été choqué par cette enquête bâclée. Et s'y sont ajoutées, bien sûr, les pressions exercées sur la justice par ceux qui n'avaient pas du tout intérêt à ce qu'on découvre la vérité. Les assassins. Les vrais assassins, c'est-à-dire les commanditaires. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. On a du mal à imaginer les violences qui ont été infligées à Pier Paolo Pasolini. Aussi, je vous lis sans commentaire le rapport d'autopsie du corps de Pasolini qui indique que le cinéaste a été littéralement massacré. Pasolini était couché sur le ventre, en jeans et maillot de corps, un bras écarté et l'autre sous la poitrine. Les cheveux, pétris de sang, lui retombaient sur le front. Les joues, habituellement creuses, étaient tendues par une enflure grotesque. Le visage déformé était noirci par les hématomes et les blessures. Les mains et les bras étaient meurtris et rouges de sang. Les doigts de la main gauche étaient fracturés et coupés. La mâchoire gauche brisée. L'oreille droite à moitié coupée. L'oreille gauche arrachée. Des blessures sur les épaules et la poitrine, avec les marques des pneus de la voiture. Entre le cou et la nuque, une horrible lacération. Au testicule, une ecchymose large et profonde. 10 côtes brisées ainsi que le sternum. Le foie lacéré en 2 points. Le cœur éclaté. Quand a-t-on commencé à mettre en doute le scénario du meurtre tel que Pino Pelozzi l'a raconté ? Assez vite. Dans la presse, on a émis l'hypothèse que Pino la grenouille n'était pas seul. Il semblait en effet invraisemblable que cet adolescent ait pu battre à mort Pasolini. Et deux frères ont même été arrêtés. Deux frères. Et comment les a-t-on trouvés, ceux-là ? Bah, apparemment, c'étaient eux aussi des gosses perdus, des ragazzi, des amis de Pino la grenouille. Ils se sont vantés auprès de leurs copains d'avoir tué Pasolini. L'information est remontée jusqu'au carabinier et les deux frères, 14 et 16 ans, ont été arrêtés. On a estimé que c'était des affabulateurs. Et l'affaire en est restée là. Mais malgré les réticences de la police, l'idée du crime collectif a continué à faire son chemin. Toujours dans la presse ? Et chez les proches de Pasolini, qui n'arrivaient toujours pas à comprendre. Avec des résultats, alors ? Oui, un chercheur qui menait une étude sur les jeunes de la banlieue a recueilli le témoignage de l'un d'entre eux, qui lui a affirmé que Pasolini avait été victime d'un guet-apens. Monté par qui ? Par des jeunes, qui voulaient se venger de Pasolini. Et qui se serait servi de Pino la grenouille pour attirer le cinéaste jusque dans le terrain vague d'hostie. Mais allez, pour quelle raison cette vengeance-là ? Pasolini, qui recrutait ses amants d'une nuit à la gare Termini, toujours dans la même bande, aurait eu avec certains d'entre eux des comportements brutaux. Bref, on aurait essayé de les violer. La piste vous paraît sérieuse ? Intéressante, parce qu'il a ensuite été établi que 3 jeunes gens avaient réellement agressé Pasolini. Vous dites établi, mais par qui ? C'est une journaliste qui a levé ce lièvre. Une journaliste très connue dans son pays, Oriana Fallaci. Ouais, je connais en effet. Elle a ensuite dérapé sur le racisme anti-musulman. Enfin, c'est un autre sujet. Alors qu'a-t-elle fait ? Elle a effectué le travail que les policiers n'ont pas fait. Elle a enquêté, interrogé les témoins. Parce qu'il y a eu des témoins ? Oui. Mais vous imaginez bien que ces gens qui étaient eux-mêmes en situation délicate dans ce terrain vague ne se sont pas précipités chez les carabiniers pour témoigner. Ouais, ça se comprend. Alors, qu'ont-ils dit ces témoins-là ? Ils ont affirmé que les agresseurs étaient au nombre de 3. Et ils ont donné des détails très troublants. Racontez alors. Eh bien, d'après ce que j'ai pu apprendre ensuite, voilà comment ça s'est passé en réalité. Pino la grenouille a été chargé d'appâter Pier Paolo Pasolini à la gare Termini. Ça n'a pas dû être très difficile. Pino, malgré ses yeux de grenouille, était exactement le genre de garçon que Pasolini recherchait. Une allure de petite frappe, une beauté un peu canaille. Il l'a pâté pour le faire venir à Ostie. Bien sûr, là où les autres garçons les attendaient pour le rosser. Mais selon cette version-là, on reste toujours dans une affaire de droit commun. Hein. C'est exact, et il faut attendre 2005 pour qu'on observe ce dossier d'un tout autre œil. Et pourquoi alors ? Pelozzi, qui n'a été condamné qu'à 9 ans de prison à cause de son jeune âge au moment des faits, est alors libre depuis longtemps, même s'il lui est arrivé de retourner régulièrement en prison pour divers méfaits. Une observation. Son avocat, lors du procès, était un homme membre du parti néofasciste, très proche des services secrets. Alors, un avocat qui aurait pu tenter de l'influencer ? Ça me paraît vraisemblable. Donc, en 2005, Pelozzi accepte de répondre à une interview pour le 30e anniversaire de la mort du metteur en scène. Et pour la première fois, il affirme qu'il n'est pas l'assassin de Pasolini. Mais qui alors ? Il déclare que le cinéaste est tombé dans un guet-apens monté par trois Italiens du Sud, des types qui circulaient à bord d'une voiture immatriculée à Catane. En Sicile, donc. Et ce guet-apens ? Ces hommes auraient fait croire à Pasolini qu'il détenait des bobines de son film Salò, des bobines volées dans les studios de Cinecittà à l'issue du tournage. Et c'était vrai, ça ? Le vol des bobines ? Oui. Et au montage, pour pallier cette absence, Pasolini a dû utiliser des chutes. Donc il y a un fond de vérité là-dedans. Et Pedozzi, la grenouille, alors quel rôle aurait-il joué, lui ? Il a conduit les mafras jusqu'au lieu du rendez-vous. Donc dans ce terrain vague. Mais à aucun moment, il n'avait imaginé que le véritable objectif était de massacrer Pasolini. Admettons. En tout cas, ce témoignage inédit permet à la famille de demander la réouverture de l'enquête. Sans grand succès, d'ailleurs. Mais toujours la même année, 2005, un cinéaste tourne un documentaire avec Sergio Zitti, un ancien collaborateur de Pasolini, qui s'est livré à des investigations approfondies. Mmh. Alors, qui apprend-on dans ce film hein ? Plusieurs choses. Zitti a trouvé un pêcheur qui a assisté au meurtre, mais qui, effrayé, s'est toujours refusé à témoigner devant la justice. Cet homme affirme que les agresseurs étaient plusieurs. Deuxième point intéressant. Zitti s'est rendu sur le terrain vague quelques jours après le drame. Il a relevé des traces de pneus, prouvant la présence sur les lieux d'autres véhicules. D'autre part, il a reconstitué le trajet de Pasolini le soir de sa mort. Et il a établi que le cinéaste ne s'est pas rendu directement de Rome à Ostie. Ce qui signifie ? Rome-Ostie, ça fait 30 kilomètres. Or, ce soir-là, Pasolini a parcouru 150 kilomètres. Et il est allé deux fois à la gare de Termini. Et quelle conclusion en tire ce Zitti, là ? Ami et collaborateur de Pasolini, il savait que le metteur en scène avait été contacté par un maître chanteur qui se proposait de lui remettre les bobines volées. Et Zitti a supposé que ces allées et venues ont été dictées par cet homme. Et avant le rendez-vous final sur le terrain vague. Mais je veux bien, mais ça ne règle pas tout à fait la question de la présence de Pedozzi. Je suis d'accord. Mais ça confirme quand même que Pasolini est bien tombé dans un piège mortel. L'année suivante, nouveau rebondissement. Un poète italien, Gianni Delia, publie un essai intitulé « Le pétrole des massacres », où il affirme que Pasolini a été tué parce qu'il connaissait le nom du commanditaire des assassinats de Mattei, Moro di Moro, et aussi du juge Scaglione, qui enquêtait sur la disparition de ce dernier. Mmh. Et il donne ce nom ? Pour lui, il n'y a pas de doute. Il s'agit d'Eugenio Cefis. Ah oui, celui qui aurait été le grand maître de la loge P2 avant Gelli. Mais a-t-il des preuves, là ? Malheureusement, non. Quoi qu'il en soit, cette même accusation est reprise en 2009 par les auteurs d'un livre, Noir profond, dont le sous-titre est celui-ci, Mattei, Di Moro, Pasolini, une seule piste à l'origine de la stratégie de la tension. Enfin, toujours la même année, dans un film, Pedozzi donne ce qu'il présente comme la version définitive de la mort de Pasolini. Eh, mais qu'a-t-il de nouveau par rapport à ses déclarations précédentes ? D'abord, il dit qu'il est désormais en mesure de parler parce que tout le monde est mort. Tout le monde, c'est-à-dire ? Ses parents, qui ont été menacés, ses avocats proches de l'extrême droite, et les tueurs eux-mêmes. Et pour la première fois, il donne leur nom. Deux frères. Les Borsellino, des Siciliens fascistes liés au milieu. C'est intéressant, parce que ces deux frères étaient ces jeunes gens arrêtés, puis relâchés par les policiers lors de l'enquête. Donc Pedozzi n'aurait rien inventé. Enfin, on peut simplement remarquer qu'en dénonçant deux garçons morts, il ne risquait pas d'être démenti. Bon, c'est certain. En tout cas, ce dernier aveu a permis à l'avocat de la famille Pasolini de demander à nouveau la réouverture du dossier. Ce qui sera fait en mars 2010. Mais la suite est encore plus déroutante. Écoutez bien. À peu près au même moment, un certain Marcello Dell'Utri entre en scène. Qui est celui-là ? Un sénateur, un des bras droits de Berlusconi, réputé proche de la mafia et condamné en première instance à 9 ans de prison, justement pour ses liens supposés avec le crime organisé. Et comment intervient-il dans l'affaire Pasolini ? Ce sénateur déclare à la presse qu'un homme l'a contacté pour lui vendre le chapitre inédit et volé du livre de Pasolini, Pétrole. Et Dell'Utri s'engage à montrer au public ce chapitre manquant, une soixantaine de feuillets, lors de l'ouverture de la foire du livre de Milan en mars 2010. Mais vous l'avez certainement deviné, le sénateur ne montrera rien du tout. Et il explique pourquoi au moins ? Ah oui, il prétend que le voleur n'a pas repris contact avec lui. Mais, et c'est l'information la plus importante, il ajoute qu'il a pris connaissance du contenu de ce mystérieux chapitre. Et qui a-t-il lu, alors ? Pasolini livrait la vérité sur l'histoire tourmentée et violente de l'Italie des années 70. Mais Dell'Utri n'en dira pas plus. Et comment peut-on décrypter cet épisode assez ébouriffant ? Je pense que le sénateur, en délicatesse avec la justice, a voulu lancer un avertissement à ses amis politiques. Aidez-moi, sinon je lâche le morceau. Ça veut dire que l'affaire est donc toujours brûlante. Je crois, car actuellement, ce sont les héritiers des membres de la loge P2 qui sont au pouvoir en Italie, à commencer par Berlusconi, qui en était membre. Et je crains que la chape de plomb qui pèse actuellement sur les affaires judiciaires en Italie ne permette pas d'y voir plus clair. Et pourtant, on pourrait d'une façon assez simple en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort de Pasolini. Ah oui, comment alors ? Les vêtements ensanglantés du cinéaste ont été conservés au musée du crime à Rome. Des analyses ADN pourraient permettre d'en savoir un peu plus. Mais le veut-on vraiment ? Un texte prémonitoire de Pasolini, publié dans une tribune du Corriere della Sera un an avant sa mort, donne une sérieuse indication sur ce que contenait ce mystérieux chapitre disparu de son roman. Je cite « Je sais qui sont les responsables politiques et financiers derrière les attentats. Je sais qui manœuvre les néofascistes. Je sais qui sont les prétendus inconnus responsables des massacres les plus récents. Je sais les noms de ceux qui ont organisé les deux phases différentes et même opposées de la tension. Une première phase anticommuniste, les attentats de Milan en 1969, et une seconde phase antifasciste, les attentats de Brescia et Bologne en 1974. Je sais les noms des membres du groupe de personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA, ont dans un premier temps lancé une croisade anticommuniste pour amortir 1968, puis, toujours avec l'aide et sous l'impulsion de la CIA, se sont reconstruits une virginité antifasciste. Mais, ajoute Pasolini, très lucide, je sais, mais je n'ai pas les preuves, je n'ai même pas d'indices. Le livre de Pier Paolo Pasolini, « Pétrole », a été publié en France par Gallimard. À lire, la Ultima Intervista di Pasolini, la dernière interview de Pasolini qu'il donna à la Stampa la veille de sa mort par Colombo et Ferretti qui vient de paraître chez Alia. Je vous rappelle aussi l'ouvrage de Simonetta Greggio Dolce Vita publié par Stock et puis aussi le blog très intéressant de notre correspondant en Italie, Éric Valmire, qui analyse finement les soubresauts juridiques et politiques de ce pays. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Rebecca de Nantes a bien sûr préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou et Stéphane Combe qui l'ont réalisé. Monsieur Djoub y a ajouté des petites notes. Et Emmanuel Fournier et Eric Bodoco nous ont aidés pour les traductions. Tout de suite, après le flash, on se balade. CO2, mon amour, de Denis Chessou.